Performance s'appelle Lane, Love and Noise Experiment. We'll be right back. puis vous aussi d'être venu, merci, c'est gentil. Merci. Je vais vous applaudir. Et puis Pêche qui fait le son chez nous, Jaff le stagiaire à la lumière pour quelques jours encore. Et puis Tremblay qui est avec nous sur la route aussi. Merci. Thank you. Florida. Elle s'appelle notre grand Raoul. Thank you. C'est un son qui fait que j'ai